que le soleil rende scintillant. C'est étrange, mais pourtant je vois. Oh, si aucun oiseau, le monde d'ici est si beau, minuscule à sa place, ciao. Je vole si haut que je ne te vois plus. Je devine encore la maison, distingue notre jardin. Je vole encore plus haut, se dessinent les contours du pays, notre océan qui le borde bientôt. Je vois la terre tout entière. Je vole parmi les étoiles qui me caressent les poils. Je vole loin, très loin. Je vole dans l'espace inviolet, au-dessus d'une plage d'ultraviolet, de monde tordu, parfois un peu laid. Je traverse l'univers sans regarder en arrière. Je vois des planètes tout en fer, d'autres brûlantes comme l'enfer. Je m'éloigne de la matière, des gaz brillants me réfrigèrent, me glacent, m'hypnotisent, m'enferment dans un prisme. Je